mieux que s'être choqué avant que l'aiguille du temps vienne nous piquer. Pour contre l'espoir qui reste dans les cités, c'est pas la Chine, mais à force d'en voir, j'ai les yeux brillés. Plus le temps de réfléchir, car c'est des heures qui se perdent comme les aînés. Chemin du sommeil qu'on croise souvent la mort, malgré que les rétines pèsent à cause des larmes. Comme Marius, faut chercher le trésor. Arrête de faire comme Renault, nous mettre à l'ombre. Déjà qu'ici la merde nous est fidèle comme une ombre. Je reste militant pour les rêves enfermés. Tant pis si tu crois qu'on va la fermer. Les miens se révoltent. Tu veux nous calmer, man? Amène un mandat d'amener. Je reste militant pour les rêves enfermés. Tant pis si tu crois qu'on va la fermer. Les miens se révoltent. Tu veux nous calmer, man? Amène un mandat d'amener. C'est Vince, un terroriste donc militant, le mec. Clean, comme une taupe au Pentagone, j'clame que nous soldats posons pour les militants. Donc j'blâme les inconscients du Pentagone. Depuis que j'ai signé le forfait, trop veulent m'avoir comme le millénium. Faut se méfier, les bulldogs qui te mordent de façon George Stone. Voir ces clowns qui croient être marrants, ces clones qui verront que la trahison et l'apprentissage du métier de bonne, tu vas pas atteindre quand serre le plateau. Car quand ça le goût du crime, c'est signer les frères au râteau. Comme Akinen, rester dans le circuit pour les miens. Les frères biscuits qui grandissent face au balle-balle du visage mesquin. Ça vient de la rue donc, inutile de calquer. Tape à la porte des frères qui tabassent les faux masqués. Moi et Chirac, pas de différence, on est né en même fonction. Lui la France, moi mes gens. Je reste militant pour les rêves enfermés. Tant pis si tu crois qu'on va la fermer. Les miens se révoltent. Tu veux nous calmer, man? Amène un mandat d'amener. Je reste militant pour les rêves enfermés. Tant pis si tu crois qu'on va la fermer. Les miens se révoltent. Tu veux nous calmer, man? Amène un mandat d'amener. La vie m'a lassé, du rap je me chausse pour être une grosse pointure, donc faut que ça marche. Même si je travaille d'arrache-pied, faut que je garde la même démarche. Dans le rap, prendre mon pied gamberge. Depuis môme, je cours derrière la chance à moller la perche. Quand nous temps est plein clou, si nos frères sont pleins de vis, c'est parce que leurs mères m'ont pas un clou. Oblige militer, c'est personne hardcore. Les ingrédients des salades que poivre Patrick Darvor. Faut que ceux qui se prennent pour crélin peuvent pas me sentir. Comme Eiffel, c'est à mon tour de prendre la hauteur, grandir. Avec face qui décale comme un fuseau horaire, ta femme en fuseau horreur. Comme entendre bon rap dans ton museau rare. De voir soprano énervé. Normal, les flics mettent mes frères au frais plus qu'un produit de GRV. Et Serge, l'état nous baisse sans payer d'hôtes. Je crois que le seul divorce, le bureau de vote. Je reste militant pour les rêves enfermés. Tant pis si tu crois qu'on va la fermer. Les miens se révoltent. Tu veux nous calmer, man? Amène un mandat d'amener. Je reste militant pour les rêves enfermés. Tant pis si tu crois qu'on va la fermer. Les miens, tu veux nous calmer, man? Amène un mandat d'amener. Au point où on en est, autant faire parler le big, faire taire les plus hauts. Même les pleurs des mères ne couleront pas les fils qui nagent vers un radeau. Et pendant que tu ris, j'entends Alonso Thuram. C4, c'est une tuerie. On veut être flin comme Thuram, merde. Hey, les militants, trop de temps que dure la mi-temps. Faut qu'on se relève depuis le temps. Le truc c'est de choquer avant que l'aiguille du temps vienne nous piquer. Pour contre l'espoir qui reste dans les quartiers. Guerrier dans l'âme. Guerrier dans l'âme. Guerrier dans l'âme. Guerrier dans l'âme. Les miens se révoltent, révoltent. Guerrier dans l'âme. Les miens se révoltent, révoltent. Guerrier dans l'âme. Les miens se révoltent, révoltent. Guerrier dans l'âme. Les miens se révoltent.